de sang coule comme les fleuves. Les rivières pour l'époque du crime. L'époque des drames. Le monde est rouge. Rouge, rouge, vif, rouge. Les fleuves du drame. Regarde le monde. Les couleurs du diable. Les couleurs de la mort. Les couleurs du sang. Rouge. Depuis la nuit des temps, le sang coule dans les rivières pourpres qui viennent purger nos âmes dans nos histoires tristes et infectes. Rouge, comme la robe de Satan dans les ténèbres. Ils ont promis l'amour, j'ai vu la mort. Écoute ma détresse rouge au bord du fil rouge. Comme l'armée de l'Est flippant comme un code rouge. Comme la révolution du peuple à Paname. Ça sert à rien de sonner l'alerte rouge. On veut la tête du king. Visage pâle, les coups rouges affûtent leur putain de guillotine. C'est rouge comme un pitbull, comme Kill Bill quand ça sculpte dans les quartiers rouges d'Amsterdam. Les guerres sont rouges et injustes comme l'affaire du pullover rouge. Comme Omar jusqu'aux artères, perdre mon drapeau rouge marocain. Et le sang coule comme les fleurs. Le monde est rouge, vif rouge. Regarde nos peuples subir dans la pénombre. Et le sang coule comme les pleurs. C'est l'époque du crime, foudroyé par nos vœux ici, c'est les rivières pourpres. Et le sang coule comme les fleurs. Le monde est rouge, vif rouge. Regarde nos peuples subir dans la pénombre. Et le sang coule comme les pleurs. Faut qu'on stoppe l'hémorragie avant de se noyer. Dans les rivières pour apocalypse sur fond rouge. Rouge comme les plots rouges. Sur hardcore dans la rétine, le monde est rouge vif. Le sang a pris le dessus sur les larmes. Sanguinaire est la vie, regarde le poids de nos cadavres. Main, c'est la crise. Des roses ou des chrysanthèmes. Le sang attriste comme dans la passion du Christ. C'est à la haine que l'amour te méprise. Attends que le diable te baptise. Dans les rivières pour mon cœur saigne, les apparences sont douteuses. Comme Saddam Hussein, on veut me traîner dans la boue. Le nez dans la chenouf. On rêve tous d'un chalutier pour éviter de se noyer dans un bain de sang. Plongé dans mes songes, je deviens parano. Perd la vie d'un fleuve truffé de piranhas. Carnassier, on manie la poudre et l'acier. En mémoire du passé, ça va être rouge comme un mois d'octobre. Et le sang coule comme les fleurs. Le monde est rouge, vif rouge. Regarde nos peuples subir dans la pénombre. Et le sang coule comme les pleurs. C'est l'époque du crime, foudroyé par nos vœux ici, c'est les rivières pourpres. Et le sang coule comme les fleurs. Le monde est rouge, vif rouge. Regarde nos peuples subir dans la pénombre. Et le sang coule comme les pleurs. Faut qu'on stoppe l'hémorragie avant de se noyer. Dans les rivières pourpres. Ça a submergé le globe. Regarde, le fleuve est rouge. Comme à l'époque du Nil, partout c'est le bloc. Nord et sud-est, ouest, la même. La paix a pris une bastos dans la tête, c'est la haine. Regarde le monde cultiver sa mort. Partout ça pète, l'enfer baigne les ports. Ici c'est rouge, vif rouge, dans la douleur et l'impureté. West boy, il est temps de sonner l'alerte. Rouge, parce que la haine nous a unifié. Le monde terrifié depuis qu'on a planifié l'Afrique rouge. Regarde le drapeau de nos bleds réunifiés. T'imagines collaborer la Croix-Rouge et le Croissant Rouge. Putain j'ai mal, nos visions écarlates. Les taches de sang sur le carrelage. Nos ghettos construits en briques rouges. J'écris mes textes à l'encre rouge, j'ai la rage. Hey, comme Lénine, je fais la révolution en rouge. Et le sang coule comme les fleurs. Le monde est rouge, vif rouge. Regarde nos peuples subir dans la pénombre. Et le sang coule comme les pleurs. C'est l'époque du crime, foudroyé par nos vœux ici, c'est les rivières pourpres. Et le sang coule comme les fleurs. Le monde est rouge, vif rouge. Regarde nos peuples subir dans la pénombre. Et le sang coule comme les pleurs. Faut qu'on stoppe l'hémorragie avant de se noyer. Dans les rivières pourpres. Et le sang coule comme les fleurs. Le sang coule, le sang de nos frères, de nos ancêtres. Et le sang coule comme les pleurs. Les hommes s'entretuent partout sur le globe. Ça devient l'enfer. Et le sang coule comme les fleurs. C'est le sang, la couleur rouge.